À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée a présenté le 7 courant dans son homepage d'Internet les tomes 1 et 2 de la première partie « La révolution anti-japonaise, des mémoires du président Kim Il-sung à travers le siècle » et son œuvre classique « Programme en 10 points pour la grande union de toute la nation en faveur de la réunification du pays ». Ainsi que l'œuvre du général Kim Jong-il, le Parti du Travail de Corée et le Parti du camarade Kim Il-sung, grand leader. Le homepage a inséré les photos sur la vie révolutionnaire et les espoirs du président coréen, les écrits sous le titre comme « Défions le peuple », « L'hymne révolutionnaire immortel », « Le chant du général Kim Il-sung » et autres chansons coréennes.